Elle secouait la tête. Avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de ne pas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de ne pas mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en, et ne me crois pas méchante. Bientôt, tu m'auras oublié. Mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce que je suis trop vieille pour toi. Ce mon amour était celui d'enfantillage, et quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite, jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une fille de 19 ans pleurer parce qu'elle se trouve trop vieille. La saveur du premier baiser m'avait déçu, comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Quelques minutes après, non seulement j'étais habitué à la bouche de Marthe, mais encore, je ne pouvais plus m'en passer. Et c'est alors qu'elle parlait de m'en priver à tout jamais. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous cap et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas nous revoir. Au contraire, elle était triste à la pensée que nous allions nous quitter dans quelques instants. Elle me faisait lui jurer mille folies. Devant la maison de mes parents, je ne voulais pas laisser Marthe repartir seule et l'accompagner jusque chez elle. Sans doute ses enfantillages ne s'est-il jamais pris fin, car elle voulait m'accompagner encore. J'acceptais, à condition qu'elle me laisserait à moitié route. J'arrivais une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. Jusqu'ici, tout ce que j'avais convoité, enfant, il en avait fallu faire mon deuil. D'autre part, la reconnaissance me gâtait les jouets offerts. Quel prestige aurait pour un enfant un jouet qui se donne lui-même? J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer, à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue, pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sang des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pensant qu'elle saurait les offrir elle-même, comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autres délices.